sensitive. After what we'll get married. Big party super crazy. We all have a lot of fun that we keep for memory. Oh, did you hear something? Oh, why don't you shut your phone? And we change your behavior. Beginning of a new life. Love, how can it be better? Oh, did you hear something? You're so fine and sensual. You are kind and natural. You fit me like no one else. It's not only physical. I will leave no misery. A life full of fantasy. I will smile all day, all night. All my pleasure with you to be. FFFMR 89.1 Toxique. France Impro, ça donne chaud. Salut à tous, en effet, on est sur FMR 89.1 et il est 10h et c'est France Impro qui commence l'émission des musiques expérimentales, contemporaines, aventureuses peut-être aussi, comme disait Jean-Pierre Leirac pour Jazzalus cet été. Eh bien, ce matin, on a une petite émission qui va être avec du son autour de Tony Huxley, un batteur anglais dont on parlera longuement tout à l'heure, avec Derek Bailey également. Il y aura des textes. Voilà. Et j'espère que vous allez bien. Bien content d'être ici ce matin, en tout cas. Le soleil se lève, vous êtes peut-être encore au lit, tranquille. Je vais vous passer, avant tout ça, je vais vous passer un son qui n'a rien à voir avec le reste, mais j'avais envie de ça, donc voilà, c'est parti, à tout de suite. Yeah. C'est un morceau d'un disque qui s'appelle Homeland, c'est un deuxième album d'un groupe qui s'appelle Honda Union. C'est enregistré dans les steppes mongoles. Voilà, j'avais envie de proposer ça pour démarrer l'émission ce matin. Je me suis dit que c'était pas mal pour son petit-déj ou pour bouquiner un peu dans un canapé. J'espère que tout va bien chez vous. On va poursuivre avec un album qu'on fait ensemble, Tony Oxley et Derek Bailey. Deux musiciens anglais. Peut-être on peut parler de Tony Oxley d'abord. Il est né en 38 à Sheffield. Et il a fait partie d'un paquet de groupes autour de la musique improvisée. Il fait partie des figures fondatrices en Europe de cette musique-là. De 63 à 66 notamment à Sheffield. Et puis il a bossé beaucoup avec Derek Bailey. Voilà. Là, c'est un album qui s'appelle The Advocate. Enregistré en 75 ou 76 avec Derek Bailey, les trois premiers morceaux. Et ensuite, il y a un quatrième morceau qu'on écoutera aussi, qui s'appelle The Advocate, qui est en hommage à Derek Bailey. C'est un solo percussion par Tony Oxley. C'est un batteur qui a joué beaucoup aussi en jazz plus traditionnel, hein, en accompagnant des gens comme Paul Bley, Sonny Rollins, Bill Evans, Stan Getz et plein d'autres. Il a coopéré pas mal avec John McLaughlin aussi. Bon, mais sa personnalité principale, enfin son implication principale, on va dire, c'est peut-être pas la meilleure façon de le formuler, c'est dans la forme totalement improvisée. Eh bien, on va commencer tout de suite. Thank you. Pénurie alimentaire totale. Maintenant, c'est réellement la pénurie. Les approvisionnements des magasins n'ont pas pu se faire, les livraisons ont été interrompues. Tous les magasins sont fermés. Tu vas mourir de faim. Tu n'as presque plus rien dans tes placards. Y a-t-il un moyen simple pour savoir si une herbe ou un fruit inconnu peuvent se manger sans danger? Oui. Il existe un test mis au point par le manuel SAS Survival Guide. 6 étapes doivent être absolument respectées dans l'ordre et par la même personne. D'abord, éliminer toute plante fanée, abîmée ou grignotée par les vers. Puis, écraser un petit morceau. Si cela sent une odeur de pêche ou d'amande amère, ne pas manger. Ensuite, presser cet aliment sur la peau de l'aisselle et frotter. En cas de désagrément, rougeur ou gonflement, ne pas consommer. 4. Test lèvres, bouche, langue. Après chaque étape de ce test, attendre 15 secondes et ne continuer que si aucune sensation désagréable, picotement, irritation, brûlure, piqûre ne se produit. A. Mettre une petite portion sur les lèvres. B. Mettre une petite portion au coin de la bouche. C. Mettre une petite portion sur la pointe de la langue. D. Mettre une petite portion sous la langue. Mâcher une petite portion. Si désagrément, mal de gorge, irritation, piqûre ou brûlure, jeter. 5. Avaler une petite portion et attendre 5 heures, sans manger ni boire. 6. Vous pouvez enfin consommer. Bon appétit. Si cela ne vous donne pas de rots, de nausées ou de douleurs à l'estomac, la plante est désormais considérée comme sûre. Je vous ai lu un extrait de Survivre en ville quand tout s'arrête, de Jade Allègre. Voilà, c'est un petit bouquin, c'est une seconde édition, bien rigolo. Voilà, c'est par Jade Allègre. On trouve beaucoup de vidéos de Jade Allègre sur l'alimentation la nutrition sur Internet. Très intéressant. Eh bien, je vous propose de continuer avec cet album The Advocate, Tony Huxley, Derek Bailey. Là, c'est un morceau qui s'appelle... Alors, le premier morceau s'appelait Sheffield Phantoms. Les fantômes de Sheffield, c'était pas mal pour cette lecture. Et le deuxième s'appelle Medicine Man, Derek Bailey, Tony Huxley toujours. Le premier à la guitare, le second, percussion et électronique. Rythme. La proximité que j'entretiens depuis toujours avec les danseurs a profondément changé ma perception du temps et par extension ma perception du rythme. J'étais peut-être déjà préparé à ce changement du fait que j'ai toujours eu une certaine méfiance pour les rythmes cycliques, les motifs rythmiques répétitifs et les variations ornementales. Pourtant, je n'aurais de cesse d'insister sur la nécessité du rythme comme élément fondateur du jeu. Mais je ressens le rythme comme ce qui permet de me déplacer métaphoriquement dans l'espace. plutôt qu'une découpe dynamique du temps, le rythme m'apparaît comme une manière d'arpenter l'espace et de l'éprouver en tant que matière. Un axon devient une coordonnée spatiale sur laquelle je peux prendre un appui pour me rendre ailleurs. Je ressens cet appui dans toute mon épaisseur, dans toute son épaisseur, sa texture, sa densité. La vitesse nécessaire pour me rendre d'un point à un autre, en fonction de leur éloignement, fait le rythme. Traverser ainsi l'espace, fût-il imaginaire, me permet d'appréhender des volumes d'air qui le composent. Je me rends compte que telle région est transparente, tandis qu'une autre semble encombrée. Lorsque j'improvise, je confronte l'espace que je crée dans lequel je me déplace, rythmiquement donc, avec tous ceux qui le contiennent ou le côtoient. J'avoue mon intérêt et mon émotion quand j'entends du rythme dans le son, quand celui-ci n'est pas soumis au rythme, mais qu'il contient du rythme. Du rythme par défaut, de lui-même, qui échappe au son, à la volonté du son, s'il y en avait une. Comme une activité électrique, un courant dont la pulsation est imprévisible, changeante, surprenante. Une activité à la dérobade, discrète mais essentielle, comme la fondation cachée de la vie du son. Je me sens chez moi à l'écoute de ça, et si je dois jouer un rythme en improvisant, il faudra que j'y laisse suffisamment de chaos, c'est-à-dire de marge. Pour moi, le rythme n'est pas noué au temps. Il apparaît quand le nœud est desserré. C'était un nouvel extrait de l'abécédaire d'une expérience de Lee Kuan Yin, improvisateur et percussionniste. Voilà, je vous propose de peut-être écouter notre fabuleux jingle. On est sur Éphémère. Il est 10h28. Et voilà, c'est parti. C'est France Impro, l'émission du samedi matin, tous les deuxièmes et quatrièmes samedis du mois. Salut vous à tous. Vous êtes sur France Impro. Et ce matin, on passe la une heure avec Tony Huxley et Eric Bailey. Le morceau qui va suivre maintenant, il va mettre en jeu uniquement Tony Huxley. C'est le morceau qui donne son nom à l'album qui s'appelle The Advocate, qui est un hommage à Derek Bailey. Voilà, musicien Tony Huxley de Sheffield dans les années 60 et cofondateur de la mouvance des musiques impro en Europe. Eh bien, c'est parti. nous semblons être à la veille d'avoir la main sur le développement de notre corps et même de notre cerveau. Avec la découverte des gènes, il semble que nous serons bientôt en mesure de contrôler le mécanisme de l'hérédité biologique. Jusqu'à présent, nous avons bien sûr permis de laisser au hasard notre course au développement et nous avons donné une pensée trop petite à la question de savoir quels sont les facteurs médicaux et moraux qui doivent remplacer les forces brutes que la sélection naturelle imprime aujourd'hui. Au cours des siècles prochains, il est indispensable qu'une forme noblement humaine d'eugénisme sur une norme noble de nos personnalités soit découverte et développée. L'eugénisme s'est appliqué aux individus car l'eugénisme s'est appliqué à la société. C'était un extrait d'une déclaration de Pierre Taillard de Chardin, décédé en 1955, jésuite, chercheur, paléontologue, théologien et philosophe, qui apporte une vision de l'être humain qu'il situe sur la trajectoire de l'évolution en décelant une continuité entre la matière, l'apparition de la vie et le vieillissement de l'esprit. Comme vous avez pu le constater, il fait grand cas de l'intelligence humaine pour guider l'évolution avec l'aide du génie génétique. Bon, ce n'était pas pour vous pourrir le week-end, mais je peux vous laisser méditer sur ces considérations qui peuvent être bien inquiétantes, en effet. Je vous propose de poursuivre avec cet album de Tony Huxley et d'Eric Bailey. Là, c'est un morceau qui associe Derek Bailey et Tony Huxley. propose de poursuivre avec l'agenda des sonophages. Et c'est l'agenda des concerts dans la région toulousaine de ce soir jusqu'à à peu près mi-novembre. Des concerts improvisation, musique expérimentale. Ce soir, il y a le festival Multidom Multitou. C'est la deuxième soirée. Ce soir, elle a lieu au lieu qui s'appelle Virgule à Toulouse. C'est un festival. Il y a un certain nombre de groupes comme David Villalec, aka Ayon Coco électronique. Il y a Marikada Ovden, à la voix et aux performances. Il y a Tom de Testa électronique et instruments autoconstruits. Il y a Ut Kutavil, percussion électronique. Il y a Laurent Rhodes électronique. Il y a Damkar, etc. Il y a plein de choses. Au lieu Virgule, c'est ce soir. Ça a l'air vraiment bien. Demain, dimanche soir, il y a deux choses. Il y a le concert Les Lucie Magré, poèmes en violonnais. C'est Lucie Laric au violon et à la voix en solo. Ça se passe à un café culturel qui est récemment ouvert à la FIAC dans le Tarn. C'est un concert acoustique et intimiste en fin d'après-midi. Voilà, c'est dans le Tarn, à FIAC. Ça s'appelle Les Lucie Magré. Il y a également un concert ce soir au Pavillon Sauvage, demain soir, au Pavillon Sauvage, qui est le concert de décrochage de l'expo de Walking Rodriguez, qui est également peintre et trompettiste. Donc, ce décrochage, c'est le concert de trois groupes qui s'appellent The Worlds, un groupe américain, Bob Cooper en solo, et Eck, Eddie Bobacker à la basse. Il y a prix libre et nécessaire, plus l'adhésion Pavillon Sauvage pour ceux qui ne sont pas adhérents pour le moment. Du 31 au 4, il y a un spectacle qui s'appelle Les Parleurs. Ça se passe au théâtre Le Hangar, c'est rue des Cheminots, si ma mémoire est bonne, derrière la gare. Les Parleurs, c'est un quatet poématique. Il y a quatre garçons et une fille, cinq pupitres. Prennent la parole. Je crois qu'ils sont passés à la CAF Poésie il y a quelques mois. Donc ils vont lire des textes de Christophe Tarkos, de Théophile de Vio, de Samuel Beckett, d'Henri Michaud, etc., etc., etc. De Sébastien Espinasse aussi qui sera là sur place, je pense. Le quintet est composé de Jean-Marie Champagne, de Sébastien Espinasse, du professeur performeur-écrivain Yves Lepestipon, et des metteurs en scène et comédiens Laurence Rioux et Didier Roux. Voilà, ça se passe au Théâtre Le Hangar. C'est du 31 au 4 novembre. Prix d'entrée 8 euros, 10 euros. Il n'y a pas l'horaire, mais ça doit être autour de 20 heures, j'imagine. Voilà, il faut se renseigner sur le site du théâtre. Ensuite, en novembre, il y a un concert au Taquin, le 5 novembre. Il y avait autre chose le 4, décidément, je ne suis pas réveillé encore. Au 4, il y a un concert qui s'appelle TBPN, Orca Noise Unit. C'est au Théâtre du Pavé, 34 rue Marron à Toulouse. C'est un duo TBPN, c'est duo Xavier Camassara au piano et Mathias Mahler au trombone. Et Orca Noise Unit, c'est un quintet du Moulin, Hélard, Triangle, Chevillon et Goubang. Je me demande si c'est pas dans le 4 du Pavé dans le Jazz. Voilà, c'est au Théâtre du Pavé, c'est le 4 novembre. Ça doit être un samedi, si je ne me trompe pas. Le dimanche soir, au Taquin, le 5 donc, novembre. Le Taquin, c'est l'ancien Mandala. Enfin, c'est le nouveau nom de l'endroit qui s'appelait le Mandala antérieurement, qui est au 23 rue des Amédoniers à Toulouse. Il y a deux concerts. Il y a les Bomb Pots, Fanfare Free Punk. Et ensuite, il y a la Fraction Grossière, qui est un groupe d'improvisation libre, et Virginie Ladin, performance dessinée. Voilà, c'est dimanche 5, je crois que c'est à 18h. Ensuite, du 20 novembre au 24 novembre, on y reviendra lors de l'émission de novembre, c'est le festival Sonorité Noise à Toulouse. Faut retenir la date parce que les détails ne sont pas encore sur le site. Ça se passe du 20 novembre au 24 novembre. Il nous reste 5 minutes. Peut-être que je vais vous laisser avec le groupe Honda Union, de la même façon qu'on a commencé les Mignons, nous allons la terminer avec l'album qui s'appelle Homeland. On va changer complètement d'ambiance pour repartir dans les steppes mongoles. Et voilà, ce sera pour terminer cette émission tranquillement. Et en vous souhaitant une bonne semaine, c'était France Impro, deuxième et quatrième samedi du mois. On se retrouve le 11 novembre, l'émission du 11 novembre. Je serai avec Eddie Boubaker, on va parler de son label Le Revenu. Donc il sera avec moi dans le studio samedi 11 novembre. Voilà, bonne semaine à tous, portez-vous bien. Okay.